Un jour, à l'entrée d'un monastère himalayen émergeant du brouillard, un voyageur égaré demanda son chemin à un moine perdu dans ses pensées. Celui-ci lui répondit en tendant sa main « Si tu veux gravir la montagne, lève les yeux et regarde là-haut dessus. » Une trouée dans les nuages montrait le col à franchir. Plus tard, l'homme raconta qu'un sage habitant les montagnes lui avait sauvé la vie en lui montrant la voie. L'information se répandit souvent déformée. Alors, tous les voyageurs passant devant ce monastère demandèrent à être bénis par le moine que tout le monde appelait maintenant Lao Tzu.